je chanterai pour toi, parce que tu m'auras fait heureux. Je chanterai pour moi, parce que je t'aurai faite belle, pour nous deux, pour le ciel. Je chanterai, et si je fais pleuvoir de Paris jusqu'à Nice, tu viendras dans mes bras pour que l'eau nous unisse. Et si je fais soleil à faire fondre l'or, tu viendras dans mes bras pour te fondre à mon corps demain. Je chanterai pour toi, car tu m'auras fait victorieux. Je chanterai pour moi, qui t'aurai fait poésie, pour nous deux et pour la vie. Je chanterai.